En juin 2020, l'Office public de la langue occitane dévoilait les résultats d'une enquête sociolinguistique relative à la pratique et aux représentations de la langue occitane en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et au Val d'Aran. On y apprend notamment que dans les départements du Limousin historique, entre 8 et 13% des habitants parleraient occitan sans difficulté ou suffisamment pour tenir une conversation. Un chiffre qui monte jusqu'à 15% dans ces confins occidentaux que l'on appelle Charente-Limousine. Pour ce deuxième épisode, nous décidons d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la langue occitane dans le Limousin d'aujourd'hui. L'Occitan en Limousin, épisode 2, sauvegarder la langue au 21e siècle. La première école primaire d'enseignement en langue occitane voit le jour en Gascogne dans la ville de Pau en 1979. Depuis, ce sont 64 écoles, 4 collèges et un lycée qui ont essaimé dans 19 départements de l'aire occitane. Ces établissements sont aujourd'hui assemblés au sein de la confédération Calandrette qui tire son nom d'un petit oiseau des vignes, l'alouette, dont les occitanistes disent qu'il annonce le printemps de la langue. Nous vous emmenons à la découverte de la Calandrette de Limoges où nous sommes accueillis par l'enseignante. Je m'appelle Marie-Andrée Homs, je travaille à la Calandrette depuis septembre 2021. Je faisais des remplacements, mais occasionnels jusqu'alors. Alors une journée typique, en tout cas cette année, hein, c'est évolutif. Le matin, les enfants arrivent à 9h en classe. Ils ont 10 minutes environ pour assurer leur métier qu'ils choisissent. Donc certains vont s'occuper d'arroser les plantes, d'autres écrire la date au tableau, descendre les chaises des tables, recueillir les cahiers de liaison, les apporter à Christine, la secrétaire. Voilà, ce temps de 10 minutes où ben, c'est bien parce que ça les responsabilise, ça leur donne une utilité dans la classe. Donc pour eux, c'est très important d'avoir ce métier. C'est vraiment pas pour eux quelque chose qui les pèse. Hein, généralement, ils sont contents de l'avoir. Après, on passe environ 10 minutes au canto, parfois plus selon les jours. Donc ce temps-là, on fait l'appel, on fait le komokovai, donc tout ça en occitan. Le lundi matin, par exemple un lundi matin type, à cela va s'enchaîner le kedenyo, qui est le quoi de neuf. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter de son week-end, voire plus. Donc c'est un bon moment d'échange. Certains parlent occitan à ce moment-là, d'autres français, parce qu'on a accueilli la moitié de la classe. Les enfants sont nouveaux, donc voilà, ils sont en cours d'apprentissage de l'occitan et le français est assez réconfortant encore. Voilà, et puis après ce temps-là, on arrive à 9h30. On va au bureau et puis avec les grands, on commence les enseignements de français après la récréation maths. La matinée se termine comme ça. Et l'après-midi, donc là, j'ai tous les enfants, sauf les toutes petites qui sont à la sieste. Mais j'ai dû la grande section jusqu'au CM2. Et là, ils vont travailler par atelier. Certains sont en atelier occitan sur un album. D'autres vont être, par exemple, en géographie avec moi. Et ceux qui sont en géographie avec moi, généralement, ben, je les fais aussi travailler par groupe, au moins de deux, pour qu'ils travaillent un petit peu leur autonomie. Et puis, c'est des travaux de recherche, et puis à partir de documents, voire recherche Internet, voire travail sur un exposé. Voilà. Alors, on a aussi l'enseignement artistique, donc au moins deux fois par semaine. Et là, de par mon expérience, j'ai fait pas mal de théâtre, donc on a un atelier théâtre. tous les jeudis après-midi et on travaille sur Le Petit Prince cette année, donc, que j'ai réadapté et puis on le travaille ben, là, en français cette année. Mais on y apportera des touches d'occitan. Donc la fin de journée après la récréation, on fait un temps de bilan tous ensemble avec les petits et où on se raconte aussi si ça va bien pour nous, si la journée a été bonne et pourquoi. Certains peuvent dire pourquoi, ce qui les a contentés ou au contraire ce qui les a mis dans une situation un peu délicate émotionnellement. Voilà, c'est un moment très important de clôture. Cela se fait généralement aussi en occitan, mais pas exclusivement. Alors il y a une petite Plia qui est en petite section. Son papa est né dans le Cantal et il avait appris l'occitan à l'école. Pas dans une calandrette, mais dans une école où le prof était bilingue. Voilà. Par ailleurs, les autres parents, pas spécialement. Non. Certains sont limousins, donc ils ont dû entendre la langue par leurs grands-parents, souvent c'est ça, le lien direct, les grands-parents. Mais non, ce ne sont pas des locuteurs. Alors, quel jour c'est, Muey ? Carnaval. Et oh, et quel dis-lui ? Le premier jour des écoles ? Non, quel dis-vendré, plobé ? Un tel dis-vendré, ici. Plobé ! Quel est le dernier jour de l'école ? Et après, quel quoi ? Je m'appelle Aïda. J'étais nouvelle. Je suis venue au début de l'année. Et puis, on m'a un petit peu appris. Et puis, j'ai appris en entendant les autres dire. Et on m'a appris aussi. Le matin, comme vous avez vu, on fait l'appel de la Kovaï. Et le soir, on fait la même chose, mais sauf qu'on ne dit pas Kovaï. Mais on dit, comme vous voyez, les émotions en occitan. Et aussi, il y a soleil, nib et orage. Et on dit ses émotions. Ce qu'on ressent. Et depuis quand tu parles occitan ? Depuis que je suis venue dans cette école. Et j'avais déjà essayé en CE1. Mais j'avais pas beaucoup appris. Et avant, tu parlais pas, parce que tu dis que tes parents, ils parlent. D'ailleurs, tes parents, tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils parlent dans la famille ? Ils sont pas de. Ils parlent pas forcément occitan, mais après, quand les parents viennent chercher, ils entendent. Et les maîtresses, ils entendent, ils disent Yadi, Robert. Mais ils savent pas forcément. Et tes parents, ils parlent du coup ? Tes parents, ils parlent occitan ? Un petit peu. Un petit peu ? Mon père, surtout parce que. Mon père, surtout, il parle quand même un petit peu. Alors, je m'appelle Louis. J'ai appris l'occitan. C'était pas ici. C'était pas ici. Après, en fait, l'école, elle a déménagé. Elle est arrivée ici. C'était à 7 rue Émile Zola. C'était la calandrette. J'ai appris ici. Il y avait plein de monde. On était 23. Maintenant, on est 13. Et j'aime bien cette école parce que cette école, c'est un signe en fait pour moi. C'est l'école en fait où j'ai un peu grandi. C'est pas celle-là, mais c'est la calandrette. Est-ce qu'avec Ewen et Lucas, tu parles occitan ? Ça nous arrive. La plupart du temps, on parle français. Parce que, en fait, Ewen, on voit que. C'est lui, Ewen. À la maison, tu parles occitan ? Oui, parfois. Tes parents, ils parlent. Ton papa, ta maman, ils parlent occitan ? Oui. Ils parlent occitan. Mais pas tout le temps. Mon papy parle occitan. Ma mémé parle occitan. En fait, presque toute ma famille parle occitan. Et toi, si un jour tu as des enfants ? Je leur apprendrai l'occitan. Mais je pense qu'ils ne viendront pas dans cette école. S'ils veulent changer d'école, j'accepterai. Je m'appelle Emma. Et j'ai appris l'occitan à la Calandretta Limousina, où je suis depuis le début de ma scolarité. J'ai appris au fur et à mesure des années. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, quand elles parlent entre elles, elles parlent en occitan. Est-ce que tu parles avec elles en occitan ? Non, mais je pourrais. Après, elles ne parlent pas en occitan limousin. Enfin, elles ne parlent pas le même occitan que nous. Même si elles habitent au Bouchon, c'est pas loin de la Souterraine. Donc c'est en limousin. 3, 4. Bah écoute, je m'appelle Eric Sudran. Je suis né au Canada. Eric Sudran est directeur des Calandrettes de Limoges et de Périgueux. Le mouvement, voilà, ça fait 40 ans, un petit peu plus de 40 ans qu'il existe. Hein, la première Calandrette qui s'est créée, c'est à Pau. Administrativement parlant, la Calandrette a été créée, donc la première Calandrette en 1979, fin 79, et les premiers calendroux, hein, c'est janvier 80. Voilà, donc Pau, tout de suite suivi après par Béziers, et puis après il y a eu Montpellier, Toulouse, etc. Donc il y a des très vieilles écoles, enfin voilà, dans l'histoire du mouvement. Il y a des paquets d'écoles comme ça qui se sont créées, soit au tout début, soit un petit peu plus tard, soit encore plus tard, enfin, etc. quoi. En tout cas, depuis 1979, tous les ans, grosso modo, il y a des ouvertures d'écoles de Calandrette sur tout le sud de la France, hein, dans toute la zone dialectale des parlers occitans. Donc ça c'est super. Bon, enfin, il faut savoir que de 1979 à 1994, hein, les Calandrettes n'avaient pas de statut juridique. Revendiquer le fait d'être des écoles publiques, parce que la langue, l'occitan, c'est un bien commun, et donc il n'y avait pas de volonté de la part des acteurs du mouvement à l'époque de basculer dans le privé, puisque la langue est un bien commun, et donc tous ceux qui veulent être enseignés dans cette langue-là doivent avoir la possibilité de le faire. Quoi. Donc, voilà. Et en 1994, on nous a quand même donné un statut juridique qui est celui des écoles privées sous contrat d'association. Parce que la spécificité pédagogique en Calandrette, qui est le bilinguisme par immersion, donc le fait que ça soit immersif n'est pas un élément reconnu par la loi française. Et donc dans le cadre de la loi, on ne pouvait pas évoluer comme cela dans l'école publique, puisque la langue de la République est le français. Donc il fallait qu'il y ait au moins un système de parité, ce qui existe dans le public depuis 92 à peu près. Et donc voilà. Mais nous, on ne voulait pas un système paritaire, on voulait un système immersif. Parce que on pense que la langue peut être transmise dans sa totalité, dans toute sa complexité, au plus jeune, dès le plus jeune âge, parce qu'on pense aussi que c'est comme cela que les enfants apprennent le mieux une langue, c'est-à-dire de les mettre dans un bain linguistique, de les plonger dans un bain linguistique le plus tôt possible, qu'ils développent des compétences de bilingue le plus tôt possible, et en tout cas de façon la plus naturelle possible. Quoi. Et je crois que, après 40 ans d'expérience, je crois qu'on avait raison, et qu'on a raison de faire comme cela. Quoi. Voilà. Et sur l'évolution de cette Calandrette, écoutez, voilà, c'est parti donc d'un enfant en 1994. Hein, et puis là, dans le début des années 2010, c'est monté quand même à 65 enfants. Voilà. Et puis donc, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parce que la difficulté première, hein, c'est le statut qui est le nôtre, qui fait que c'est compliqué pour les municipalités de s'impliquer pour nous, parce que la loi interdit aux municipalités d'aider des écoles privées. Donc ça, c'est pas possible. Et donc la difficulté pour les Calandrettes, c'est d'avoir des ressources financières suffisantes pour pouvoir se payer des locaux, quoi. Voilà. Et des locaux, du personnel, etc. Alors quand je parle de personnel, c'est des animateurs, des aides maternelles, du personnel pour faire le ménage, etc. Donc voilà, ça a un coût malgré tout. Et voilà, en fonction de la bienveillance qu'on peut nous porter, des aides auxquelles on peut prétendre, soit on a des projets qui réussissent, soit on a des projets qui ont du mal à éclore et à se pérenniser. Et cette calendrette a connu ces déboires-là, quoi. Donc elle a un peu déménagé souvent. Et voilà, donc là apparemment, j'espère en tout cas que pour elle, c'est en tout cas un de ses derniers points d'ancrage, puisque là, il y a eu un accord avec la mairie de Limoges, qui se trouve être favorable quand même à ce qu'est Calendrette, et qui avait cette école désaffectée, et qui a dit, voilà, très bien, on met les bâtiments à disposition, par voie de convention, etc., pour respecter le cadre de la loi. Et donc ça, c'est chouette, parce que voilà, il y a moins de soucis d'ordre matériel pour l'école, et ça lui laisse plus de possibilités de développer justement ce qui est sa spécificité, donc, c'est-à-dire le pédagogique. Travailler la langue, l'immersion, les techniques freinées et pédagogie institutionnelle. Voilà, pour fabriquer, j'aime pas tout à fait ces mots-là, mais enfin pour permettre à des enfants de devenir parfaitement bilingues et assurer un avenir à la langue. Au sein du grand bâtiment de verre inauguré à la fin des années 90 pour accueillir la bibliothèque francophone multimédia, la BFM de Limoges, Baptiste Chrétien nous emmène à la découverte du pôle thématique où il travaille. Quand les gens arrivent au pôle Limousin et Patrimoine, physiquement, à la médiathèque, ils peuvent découvrir une centaine d'ouvrages en langue limousine, en occitan. Ils peuvent découvrir des dictionnaires, des grammaires en occitan. Une centaine d'ouvrages qu'on a en rayon, un peu par manque de place, mais ça, c'est vraiment une infime partie des collections que nous possédons. Pour nos acquisitions occitanes au pôle Limousin et Patrimoine de la BFM, On ne se borne pas au découpage administratif ancien, c'est-à-dire le Limousin d'avant la réforme territoriale de janvier 2016. Et à l'inverse, on ne s'étend pas au nouveau découpage administratif, c'est-à-dire qu'on n'achète pas tous les ouvrages occitans de Nouvelle-Aquitaine. En fait, on se fie, nous, au découpage linguistique, bien que ses limites soient toujours un peu floues, parce que les zones de transition des dialectes sont toujours un peu floues. Mais pour résumer, on acquiert les ouvrages qui concernent le dialecte limousin, c'est-à-dire celui qui est parlé en Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, en Charente-Limousine, dans le nord de la Dordogne. Et on achète également tous les ouvrages qui traitent des autres dialectes qui sont parlés dans les limites géographiques du limousin historique, on va dire, et de la Marche, c'est-à-dire le marchois du nord de la Haute-Vienne et du nord de la Creuse, l'auvergnat de l'est de la Creuse et de la Corrèze, et enfin le languedocien de l'extrême sud de la Corrèze. Donc on achète pour cette zone-là tous les ouvrages qui sont écrits dans la langue ou qui traitent de la langue. Dans toutes les grandes médiathèques régionales, il y a un fonds qui gère le patrimoine et les fonds locaux. C'est une tradition, ça je ne sais pas quand ça remonte, mais sans doute quasiment au début des bibliothèques modernes, au XVIIIe siècle. Et surtout, ça s'est amplifié au XIXe, parce qu'il y a eu quand même un courant régionaliste partout en France et en Europe, mais surtout en France, dans les années... dès le XIXe siècle, quoi. Dans toutes les grandes médiathèques régionales, vous trouverez un fonds qui s'occupe des vieux bouquins, donc le patrimoine, des vieux bouquins et des vieux manuscrits, parfois des vieilles estampes, des vieilles gravures, tout ça, c'est ce qui est notre cas aussi, et qui s'occupe de collecter tout ce qui a trait à la région, quoi, et à la culture régionale. Alors, sa date de création, c'est la même que celle de la bibliothèque, là, dans laquelle nous sommes. Avant, la bibliothèque était vers la rue Turgot, là-bas, et puis en 98, elle a déménagé ici. Donc on est dans la bibliothèque créée en 98, la bibliothèque francophone multimédia, et le pôle Limousin remonte à cette époque. Alors c'est pas à partir de là qu'on s'est... je dis pôle Limousin, mais il faut dire pôle Limousin et patrimoine. C'est pas à partir de là qu'on s'est intéressé au Limousin et au patrimoine, mais voilà. Le pôle dans le service dans lequel je travaille remonte à 98. C'est un service qui gère donc tous les ouvrages régionaux limousins, c'est-à-dire écrits par des limousins, édités en limousin, écrits en limousin, par des limousins ou édités en limousin, ou publiés en limousin, imprimés en limousin aussi, ou traitant du limousin. Voilà. Donc c'est simple, pour faire simple, tout ce qui a trait au limousin. Dans toutes ses dimensions, hein, l'histoire, la sociologie, l'archéologie, les traditions, la littérature, évidemment. Voilà. Et puis la partie patrimoine, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, c'est, pour résumer, ce que le grand public appelle les livres anciens, les livres précieux, donc voilà, les manuscrits anciens, voilà, on gère aussi tout ça. Alors pour la partie limousin, du pôle limousin et patrimoine, il y a évidemment une partie de nos fonds qui concerne l'Occitan. Sur le catalogue de la bibliothèque sont référencés environ 1600 documents, 1600 ouvrages qui contiennent de l'Occitan. Mais, donc tout support confondu, il y en a plus d'un millier parmi ceux-là qui sont des livres. Mais il y a aussi des CD, des DVD, des CD de musique traditionnelle, de folklore, etc. Des documents qui contiennent de l'Occitan référencés sur le catalogue, il y en a environ 1600. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça, puisque tous les documents anciens, c'est-à-dire grosso modo entrés avant 1940 dans les fonds de la bibliothèque, n'étaient pas forcément finement catalogués, et le terme « Occitan » n'apparaît pas dans la notice, en général. D'ailleurs, il faut rappeler que l'usage du terme « Occitan » est assez récent, hein. Il s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, il s'est un peu généralisé dans la société, pas toujours avec un grand succès d'ailleurs dans les années 60-70, mais en bibliothèque, ça a été assez tardif, hein, ça, pour se généraliser, pour qu'on parle de fonds occitans dans les bibliothèques et qu'on mette occitan dans les notices, ça date des années 90-2000, en fait. Avant ça, même le terme officiel pour dire occitan dans les catalogues de bibliothèques, c'était provençal. Et moi, quand je suis arrivé, il y avait encore beaucoup de notices dans lesquelles c'était écrit provençal, alors que c'était des bouquins en occitan limousin. Nous, on est une équipe d'une dizaine de personnes, et dans cette dizaine de personnes, nous sommes deux assistants de conservation qui avons un budget pour acheter annuel pour acheter des documents. Donc, nous, au Pôle Limousin, notre tâche est plutôt facile parce que, en fait, comme je le disais, on cherche l'exhaustivité. Donc on n'a pas une sélection à faire, c'est pas comme un discothécaire ou un vidéothécaire qui va avoir 15 000 ou 20 000 euros de budget et qui va devoir faire un choix drastique dans toutes les parutions, dans toutes les sorties de DVD et tout ça. Nous, c'est pas le cas, on est censé acheter tout ce qui a trait au limousin, tout ce qui est écrit par des limousins, tout ce qui est édité en limousin. Donc le boulot est plutôt facile, si ce n'est que il y a des choses... Le revers du truc, c'est que pour la production régionale, il y a beaucoup de choses qui sont publiées par des petites associations, qui sont auto-éditées de plus en plus par des petits auteurs, des historiens amateurs, etc. Et donc il faut qu'on fasse ce qu'on appelle de la veille documentaire, c'est-à-dire aller tout le temps chercher dans des revues, dans des journaux, sur Internet, sur les sites des associations, tout ça, aller chercher tout le temps toutes les parutions, toutes les nouveautés. Alors pour valoriser tous ces fonds occitans, on a aussi un service de numérisation ici qui effectue la mise en ligne de documents anciens en occitan sur une bibliothèque numérique qui s'appelle la Bibliothèque numérique du Limousin. Et alors par exemple, on y a mis le dictionnaire de la langue limousine de Léonard Duclou. Ça date des années 1770, c'est le premier dictionnaire connu de langue limousine. Et on possède un des deux manuscrits connus à la bibliothèque, donc c'est très précieux aussi. Donc voilà le genre de choses qu'on met en ligne, qu'on numérise et qu'on met en ligne. Également des ouvrages occitans du 19e, du début 20e, que ce soit des niorles, des pièces de théâtre, des partitions, des articles. Et alors dans ce cadre de la numérisation, on travaille en partenariat avec Gallica, le site des ressources numériques de la BNF, la Bibliothèque nationale, et on travaille également avec le CIRDOC de Béziers et sa bibliothèque numérique Occitanica. Et puis enfin, pour ce qui concerne la promotion de l'occitan à la BFM, on organise de temps en temps, évidemment, depuis 1998, depuis l'ouverture, des expositions. Il y a eu plusieurs fois des expositions sur Marcel Delpastre. D'ailleurs, la BFM possède une exposition qu'elle a montée sur Marcel Delpastre. C'est une exposition sur panneaux qu'on prête régulièrement à des communes, à des associations. C'est une belle exposition sur Delpastre. Il y a eu des expositions en lien avec la langue sur divers sujets, la plupart du temps en partenariat avec l'IEO du Limousin. Et puis d'ailleurs, l'IEO Limousin a organisé plusieurs années consécutives sa dictade occitane ici, qui a eu parfois un beau succès, plus de 80 personnes qui venaient le samedi après-midi faire la dictée en occitan. Ça, c'était dans les années 2010, pardon. Et puis, il y a également eu plusieurs concerts. Je me rappelle du groupe Aisanti. Il y a eu le duo Melia Okombi. Il y a eu le groupe Chanchavadour, les Corréziens, qui marchent pas mal en ce moment, qui sont plus jeunes. Et puis, il y a eu des conférences. Ces dernières années, par exemple, on a organisé des conférences, des tables rondes sur les littératures occitanes, sur la nouvelle chanson occitane, etc. Et ça a eu pas mal de succès. Non loin de la médiathèque, à mi-chemin entre l'hôtel de ville de Limoges et la place des Bancs, nous poussons la porte de la librairie occitane que fait vivre l'Institut d'études occitanes du Limousin. L'un de ses employés, Jean-François Vignot, nous reçoit. Aussi bien Jean-Marie que moi, et puis tout le monde, hein, Magali aussi, elle était aussi dans cette idée-là. Si on vient, ça en est venu dans ce milieu-là, c'est par un attachement personnel, familial, de voisinage, donc on savait que la langue était partout. Et on voyait bien qu'il y avait guère que nous à la valoriser, donc l'idée, ça a été, autant que faire se peut, il faut qu'on enregistre les témoignages. La difficulté, c'est que c'est un secteur qu'on a toujours fait de manière un peu volée sur des budgets, sur autre chose. C'est-à-dire que là-dessus, sur cette partie-là, véritablement, on n'a jamais été véritablement accompagné par nos financeurs. Pendant longtemps, ils voulaient mettre des gros budgets sur des fêtes, un événementiel. C'est bien, mais l'événementiel, c'est quelque chose d'un peu déplaisant parce que c'est la vitrine et ça nous faisait un peu chier. C'est-à-dire qu'on a envie aussi de faire le travail de fond, sachant qu'il y a cette urgence, que dernier gros contingent de locuteurs, ce sont des gens qui aujourd'hui, en ces années 2020, ont plus de 80 ans. Bon, voilà, il y a ce truc irrémédiable que si on n'assure pas cette sauvegarde d'ici très peu d'années, voilà, on sera bloqué. Et on voit par rapport à nos 20 ans d'existence que déjà, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a 20 ans, sur n'importe quel sujet, il suffisait de tendre un micro et puis ça marchait. Quand on a commencé ces enquêtes, bon, on savait, nous, on était issus d'un milieu rural. Enfin, bon, on connaissait, mais malgré tout, sur la méthodologie, on n'était pas totalement... Enfin, on avait le sentiment de ne pas être totalement au point. De fait, on ne l'était peut-être pas totalement. Donc, Jean-Marie a fait une rencontre. Il y a, à cette époque-là, aussi début des années 2000, de toute façon, ce grand mouvement occitan qui était assez vivant, ce n'est pas qu'à l'échelle du Limousin, c'est aussi à l'échelle de la zone occitane. Et il y avait à l'époque, à Rodez, un gros événement occitan au milieu de l'été qui s'appelait l'Étivade, qui existe encore, mais qui est pas mal édulcoré aujourd'hui, qui était un vrai rassemblement de toutes les régions d'Oc, où il y avait énormément de spectacles, on pouvait y faire son marché, enfin, non, c'était vraiment bien. Et voilà, on voyait toutes les forces vivantes de la zone occitane. Et Jean-Marie, en 2002, a fait la rencontre d'un Aveyronnais très étonnant, qui s'appelle Christian-Pierre Bedel, qui travaille pour l'Institut Occitan d'Aveyron, enfin, qui aujourd'hui est à la retraite, et qui, à l'époque, écumait, mais alors véritablement d'une manière très staccanoviste, toutes les communes de l'Aveyron. Il faisait des réunions communales, il rencontrait les vieux qui parlaient occitan, et puis il avait un questionnaire, voilà, une grille de questions, et puis à partir de ça, chaque canton de l'Aveyron a un bouquin, une vraie monographie cantonale, historique, avec des récits familiaux, des listes de vocabulaire, puis des beaux bouquins illustrés, des photos de famille, on parle de bouffe, on parle des loups, enfin bon, voilà, c'est une somme. Et nous, bon, ça, un truc comme ça, c'est le tombeau des ancêtres, quoi. Ce truc-là, c'est génial. Et on a été voir Bedel, Christian-Pierre Bedel, on lui a demandé ce qu'il nous forme. On a été 3 jours à l'Aveyron, c'était au mois d'avril 2003, et il nous a montré comment il faisait. Et on a pu voir, oui, effectivement, donc il partait, enfin, la grille typique, c'est de partir, si on ne sait pas ce qu'on va demander aux gens, une grille typique, enfin, à cette époque-là, aujourd'hui, ça marche un peu moins, mais avec ces générations-là, qui étaient des gens qui étaient nés dans le premier quart ou plus tard dans les années 30, c'était des gens qui avaient vécu vraiment dans une société traditionnelle qui était encore très ritualisé, où il y avait plein de rites. Et souvent, quand on va voir des gens comme ça, eh bien, il suffit de leur demander, on a un calendrier chrétien et on part du 1er janvier, des rites du 1er janvier. Qu'est-ce que vous faisiez le 1er janvier? Qu'est-ce que vous mangiez le 1er janvier? Est-ce qu'il y a des formules de bonne année? Est-ce qu'il y a des étrennes à la fontaine? Quels sont les... Et puis on arrive au 1er janvier, chandeleur, carnaval, toutes les fêtes de l'année passent. Et puis comme ça aussi, vous embrassez les grands moments, les travaux, les foins, les moissons. Est-ce qu'il y a des chants particuliers à cette époque? Est-ce qu'il y a des proverbes? La fête du village, c'est souvent pendant l'été. Voilà. Bon, après, ça demande d'être approfondi. Mais déjà, comme ça, quand vous faisiez en tout cas ça... Dans les années 2005, même 2010, voire quelquefois encore aujourd'hui, auprès de gens qui étaient nés à cette époque-là, il y a plein de trucs qui sortaient des proverbes. Et puis souvent, dans ces réunions communales, vous repérez. C'est-à-dire, il y a une espèce de brouhaha général. Les vieux, il y a une espèce d'émulation. Ils sont contents, ils ne parlent pas de toi. On les interroge autour d'un domaine aussi dans lequel on ne les a jamais interrogés. C'est des gens qui sont des ruraux. On ne s'est jamais intéressé à ce qu'ils pouvaient savoir, eux. On leur a toujours dit que, justement, eux, ils ne savaient pas et que c'était au monsieur de parler pour eux. Donc voilà, et l'émulation. Et l'idée, c'est que là, vous repérez un peu les gens. Vous voyez, madame machin, c'était bien, elle avait l'air cette petite mémé, elle avait l'air de savoir plein de trucs. Bon, et après, on revient les voir. Voilà, on est parti comme ça, c'était ça la méthodologie au départ. On s'est retrouvé rapidement, justement, de faire des collectes tout au long des années 2000 avec un fonds considérable. Et puis, à la même époque, on avait connaissance de fonds qui existaient. Il y a une copine à nous qui est adhérente, qui s'appelle Françoise Été, qui à l'époque était la directrice du conservatoire de musique traditionnelle, avec qui on bosse régulièrement. Département en musique traditionnelle. Oui, du département en musique traditionnelle. Eh bien, Françoise, elle avait récupéré dans les années 80, au moment où ça allait partir à la benne, parce qu'elle était bien avec des techniciens de ce qui s'appelait à l'époque Radio Limoges, ancêtre de France Bleu, ils avaient les archives d'une émission qui avait duré pendant une quinzaine d'années, des années 50 jusqu'au milieu des années 70, qui s'appelait Tsa Nous, Chez Nous. Et bon, les techniciens appelaient Françoise un peu, parce qu'ils allaient partir en retraite, et puis ils ont dit, une fois nous partis, t'occupes les archives, là, poubelle. À la benne. Des bandes magnétiques, des grosses bandes magnétiques. Et Françoise s'est retrouvée comme ça, elle a sauvé in extremis, mais des dizaines de cartons, et devant plus de 300 heures d'enregistrement. Bon, seulement Françoise, elle numérisait à sa vitesse, mais c'était une espèce d'Himalaya, quoi, la numérisation de ça. Et on est parti en même temps, et on a eu connaissance de subventions, de la DRAC, justement, d'aide à la numérisation. Et on a monté un... C'est un appel à projet. C'était... Oui, c'était un appel à projet. La DRAC, il lance régulièrement, comme d'autres, des appels à projet. C'est Jean-Marie Connet, directeur de l'IEO du Limousin. C'est un appel à projet, il faut monter un projet, si ça colle dans les clous du programme, on peut être retenu. Et pareil, c'était un truc, c'est là où les dossiers ont commencé à devenir complexes pour nous, parce qu'il y avait la partie descriptive de ce qu'on voulait faire, mais il y avait tout l'aspect technique, des supports de son et compagnie. Alors là, à l'époque, les 10 dernières pages, les sueurs froides, là, ils ont François, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et on a appelé un type qui malheureusement est disparu, qui s'appelait Gérard Perrier, qui était film du Genève, c'est un type extraordinaire. Je lui ai envoyé le dossier. 2 heures après, j'avais le retour. Tout était complété. Et on a été retenu. On a été retenu. C'est ce qui... On n'y croyait pas. Hein. C'est ce qui a mis sur la BIAS sur les fonds baptismaux. Quoi. Voilà, ça nous a permis de lancer la BIAS. Parce que voilà, on se retrouvait en plus avec ce fonds à la numérisie, le fonds d'Agnas, donc récupéré par Françoise Été. Françoise Été est une musicienne et ethnomusicologue du Limousin. Elle est notamment connue pour son important travail de collecte et de numérisation d'enregistrements en lien avec la langue et la musique limousine. Par exemple, au niveau de la sauce, on est quelquefois un petit peu énervé quand on voit le côté mère maquerelle de certains sites d'archives. Enfin, par exemple, l'INA, des choses comme ça, où tout est payant alors que c'est des trucs qui ont été payés par la redevance. Enfin, c'est quelque chose d'assez très énervant. Et nous, l'idée, c'était effectivement ça appartient au domaine public. C'est de la mémoire populaire. On a été aidé ou pas d'ailleurs, il y a beaucoup d'enquêtes qu'on a fait sur nos fonds propres, mais bon tant pis, hein, c'est bien qu'on le voulait, mais l'idée c'était de le donner à la disposition de tout le monde, et que ça puisse être visible, consultable, que ça puisse être repris aussi, enfin repris dans la mesure où on demande quand même un minimum d'autorisation et où on nous cite, mais on ne demande pas mieux que justement, c'est là justement, c'est un fonds qui doit servir de ressource, c'est pas un truc pour dormir, voilà, ça doit vraiment être une espèce de... Oui, un truc qui va inspirer les musiciens, et c'est le cas. Les musiciens du conservatoire, la musique traditionnelle, s'appuient beaucoup sur les enregistrements. Ils vont les chercher. Et voilà, et là, on est content de ça. Magali Urose est également employée par l'IEO. Elle est responsable de la librairie. Donc la librairie, ouais, elle existe depuis 1984. En fait, elle était d'abord vers la cathédrale dans un petit local pas très passant, enfin dans une rue pas très passante. Et donc en 2000, donc elle a perduré comme ça pendant plusieurs années. Donc c'était quand même quelque chose de bien. Ça a toujours fait partie en fait des priorités un peu des occitanistes de diffuser en Limousin, de diffuser le livre et la musique occitane. Ils ont toujours fait des stands un peu partout. Dans toutes les fêtes, il y avait des stands de livres. Donc nous on est arrivés là-dessus. En 2000, on a racheté la librairie, enfin on a repris la librairie plus exactement, et on a commencé à, enfin on l'ouvrait plus régulièrement, mais bon, c'est vrai qu'elle était donc dans un quartier peu fréquenté, donc c'était pas évident d'en faire, de faire mieux que précédemment. Donc un jour s'est présenté l'occasion de venir en centre-ville. On a dit allez, on y va, en 2007, rue Haute-Vienne, mais plus bas dans la rue, dans un petit local qu'on a réaménagé complètement. C'était une première expérience qui nous a donné envie. Et bon, ben déjà, on a commencé à ouvrir tous les jours comme une boutique normale. On a vraiment commencé à faire un travail de librairie. Moi, je me suis formée un peu à la librairie à ce moment-là. Et puis, ensuite, est venue l'occasion enfin, de se déplacer ici. Donc, on y est depuis 2018. Voilà. Et donc, ce local, bon, ben, comme vous voyez, il est plus grand, plus agréable. Bon, on a essayé de le rendre agréable. Et après, on a tous les mois un rendez-vous qui s'appelle le Café Platussan. Donc, beaucoup de gens qui viennent à la librairie, qui venaient à la librairie se plaignaient souvent. Ouais, mais on n'a pas l'occasion de parler. Nos grands-parents sont plus là, ou nos parents sont plus là, bon, on n'a plus l'occasion de parler. Donc on a dit, on va faire un rendez-vous où les gens vont pouvoir discuter tranquillement, boire le café. Donc c'est tous les premiers samedis du mois, l'après-midi. Et ensuite il y a les cours débutants avec Maxime Caillon. Un jeudi tous les 15 jours en soirée. Donc il y a du coup pas mal de monde qui circule dans la librairie, c'était l'idée. Et ça permet aussi de parler occitan souvent. Parce que souvent, les gens passent, ils viennent voir si je parle par exemple, ils viennent me tester. Ils essaient de voir si je comprends, si je peux répondre à une question. Et en même temps, ils cherchent aussi ce côté-là, pouvoir venir parler. Des fois, c'est pas que vendre des livres ici, quoi. C'est aussi le contact humain, et c'est ça que j'aime bien, c'est que les débutants aussi viennent aussi me voir de temps en temps pour pouvoir parler, parce que bon, ils n'ont pas toujours forcément de la famille à côté pour discuter. Donc par exemple, là il y en a un, il vient toutes les semaines, deux ou trois, qui viennent toutes les semaines discuter un peu pour s'essayer. Monique Yannick Sarrazy est reconnu dans toute la zone locutrice occitane pour son œuvre littéraire unique en cette langue. Tous les mois, à la librairie Occitane, elle anime un café platussant. Alors, dans ce café platussant, il y a des gens qui parlent la langue, il y a des gens qui ne la parlent pas, il y a des gens qui ont peur de la parler, mais ils comprennent très vite qu'ils ne sont pas à l'école et qu'ils peuvent y aller librement et faire des fautes. Hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des gens qui viennent alors de tous âges, de tous horizons, et qui viennent soit de tous les points du département. Même il y en a qui viennent de la Corrèze ou de la Dordogne. Et il y a des petites nuances entre ces pâles. On ne dira pas forcément la même chose. Par exemple, chez moi, un chien, on dira une C. Et puis... vous faites quelques kilomètres pour aller en Corrèze dans une scie. Bon, mais ça, c'est... Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, et moi, ça m'insupporte, qui disent, ah, mais oui, mais chez moi, c'est pas la... on ne parle pas la même, de la même façon. Non, et c'est... Alors, avec Magali, on a fait une chanson, c'est Magali qui l'a faite. Elle disait, la roulette, la roulette, la roulette, la roulette. D'ailleurs, ça revient tout le temps, quoi. Et en occitan, on appelle ça le viroboutou. Et donc, et là, les gens se rendent compte, justement, on fait des comparaisons. On dit, ah oui, vous vous dites comme ça. Ah mais oui, mais nous, chez nous, on dit autrement. Et puis, par exemple, les gens du côté de Chalut, au lieu de dire ah, ils disent eh. Alors, ils ne disent pas la vassa, ils disent les WC. Alors, bon, des choses comme ça. Mais on arrive très, très bien à se comprendre. Et je me tue souvent à dire aux gens... enfin, moi, j'ai fait mes études à Montpellier. Quand je les faisais, j'étais pratiquement la seule limousine. Et bon, j'ai gardé des liens avec les uns et les autres. Je descends souvent à Montpellier. Eh ben, ils parlent languedocien, il y en a qui parlent provençal, il y en a un autre qui parle gascon. Gascon, c'est un peu plus difficile pour moi à comprendre. Mais on se comprend, il y a une intercompréhension. Et donc là, je pense que ça fait... C'est bien de faire ça parce que les gens comprennent effectivement que c'est pas parce que... Et je leur dis, mais en français, c'est bien pareil. On ne dit pas... en français, ici, on dit, par exemple, une serpillière. Et vous allez en Charente, c'est quand même pas loin, ils disent une cince. Bon, plus loin, dans le Nord, ils disent un vassin. Mais enfin, bon, bref. En français, c'est pareil, il y a des mots qui sont différents, il y a des tournures qui sont différentes. Et donc, c'est normal qu'en occitan, ce soit pareil. Ça, c'est pour moi un gros atout du café platussant. Et puis, ce café platussant, je ne fais pas de programme. Je ne dis pas tel jour, on va parler de ça, on va faire comme ça, etc. etc. Donc, pouf, ça part comme ça peut. Alors, donc, au début, je parlais beaucoup. Puis, petit à petit, maintenant, les gens s'y mettaient. Par contre, alors, il y en a qui voulaient carrément des cours. Ben oui, mais les cours d'occitan, ça existe déjà. Hein, donc, ils n'ont qu'à s'inscrire aux cours. On n'est pas là pour ça. Il y en a d'autres qui veulent absolument s'imposer. Bon, d'accord, mais il faut aussi laisser la parole aux autres. Alors, il y en a qui sont là uniquement pour écouter. Et il y a quelques personnes comme ça, je ne suis pas arrivée à les décider encore. Ça, j'ai pas pu. Non, elles sont bien là, elles écoutent et ça leur plaît beaucoup. Mais il y a petit à petit, il y en a quand même qui ont osé se lancer. Et je leur dis toujours, mais vous n'êtes pas à l'école là. C'est permis de faire des erreurs et on est là. Ça n'a aucune espèce d'importance, quoi. Il faut s'exprimer. Et ça commençait à bien marcher. Et puis, c'est vrai qu'il faut avoir un peu la couenne raide, mais ça, moi, ça ne me dérange pas parce que, bon, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, nanani, nanana. Oui, mais bon, c'est comme ça, chacun s'exprime, et puis voilà. Et c'est fait dans un climat de convivialité. Pour Pour préserver une langue, encore faut-il la comprendre dans tous ses aspects. Cela implique notamment de comprendre comment langue et territoire sont intimement liés. Ces dernières décennies, des militants de la langue occitane se sont lancés dans un travail titanesque à travers des villages limousins. Cette œuvre autour de la toponymie s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Moi, je m'appelle Yves Lavalade. Dès 1976, j'ai commencé des enquêtes de terrain. La première, justement, a été à Château-Chervy avec Pierre Lallet, qui était un occitaniste et occitanophone hors pair, avec qui j'ai travaillé pour donner des cours gratuits à l'École normale de Limoges, à l'intention des instituteurs, et aussi dans d'autres choses, des stages et tout ça. Et donc, aujourd'hui, j'en suis à 650 enquêtes de terrain. C'est-à-dire que j'ai collecté auprès d'occitanophones sûrs, il n'y en a pratiquement plus, c'est-à-dire des gens en qui on peut avoir confiance pour la langue, qui connaissent bien, qui maîtrisent encore bien le dialecte, tous les noms que j'ai pu récupérer. Donc, chaque enquête toponymique est un travail de longue haleine, par commune. C'est-à-dire qu'on prend d'abord tous les noms de lieux qu'on peut récupérer. Pour ce faire, pendant des années et des années, je suis allé dans les mairies pour copier sur les cadastres à la main tous les noms que je récupérais dans les atlas, les plans d'occupation des sols, les cadastres. Ensuite, j'ai essayé de me trouver un ou plusieurs informateurs occitanophones de l'endroit. Je leur demandais comment ils disaient. Mais avant d'aller les voir, je travaillais sur ces noms de lieux pour savoir ce que ça pouvait être. Et je pensais déjà à l'explication, je leur faisais les commentaires. Il arrivait souvent que je faisais, il fallait une demi-journée par commune. Et donc, chaque fois que je notais, j'entendais et j'expliquais aussi, parce que les gens, ils aiment beaucoup des explications. Ils aiment bien qu'on leur dise, ah oui, mais l'Auvergnola, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Eh bien, l'Auvergnola, quento. Et qu'on va de l'origine. Voilà, on leur donne l'origine, on leur donne le sens, on leur fait expliquer les lieux, ils donnent des détails de topographie, on vérifie que, en effet, si l'Auvergnole, c'est dans un fond, s'il y a des zones et que c'est un terrain humide, ils vous le disent, c'est vrai, voilà, c'est ça le travail de terrain. Ensuite, on l'écrit. Et j'ai écrit systématiquement la prononciation en alphabet phonétique international. Je n'ai pas enregistré, parce qu'il m'aurait fallu des kilomètres et des kilomètres d'enregistrement et personne ne m'a financé pour ce travail-là. Donc, je mettais au point l'écriture, je notais la phonétique, la prononciation, et j'ai fait ça pendant des dizaines d'années. Si bien qu'en tout, j'ai pu faire éditer, dans des conditions rocambolesques, dont je pourrais parler, une soixantaine d'ouvrages sur la toponymie limousine. Et donc, là-dedans, vous avez tous les noms de lieux, la prononciation, la façon de les écrire, évidemment le nom de la commune. Ensuite, vous avez des commentaires via les cours d'eau, bien sûr, le Beuvray, par exemple, vous avez des commentaires d'ordre dialectologique, comment on prononce l'article, etc. Voilà, tout ça, comment on prononce le che, si c'est che ou c'est che, si c'est interne, etc. Bon, le nom de la commune, y compris, mettons, Ambasiaco, fin du 7e siècle, Ambasiacum Castrum en 1032, voilà, etc. Le nom des habitants, ce qu'on appelle les ethniques. Ensuite, le nom des villages, tous les villages avec les commentaires. Lorsque un village a été vu dans une autre commune, ça renvoie à la commune précédente. Donc, c'est systématique. Le cadastre, des noms cadastraux, avec évidemment des explications et commentaires. Enquête réalisée auprès de 5 personnes en 1982, 84 et 88. Donc, je suis allé 3 fois en Bazac pour faire cette enquête-là. Bon, et c'est pareil. Ça, c'est en Aclaposte, etc. Donc, en Bazac, on va avoir, mettons, Bussigné. Ça, c'est des Bussigné. La Caeria, Car, Santolaubo, Cedevilo, Lucchiao, etc. Alors cet ouvrage-là, il m'a fallu des années et des années pour le faire, à peu près 20 ans. Puisque ça a été édité en 2000 et ma première enquête était de 1976 à Château-Chervy. Voilà, vous avez 10 000 noms de lieux habités, 10 000 noms cadastraux, plus les noms du cours d'eau, plus les noms ethniques. Donc, on a travaillé pour faire ensuite une sorte de dictionnaire thématique que j'ai fait avec un collègue, enfin un membre de cette association, qui s'est appelé le vocabulaire Lemouzi, en deux tomes, qui a été édité par nous en 76 et 77 ou 78. Voilà. C'était en réalité une sorte de prédictionnaire, puisqu'il était thématique. Mettons la ferme, mettons les arbres, etc. Il y avait du vocabulaire. Donc on a codifié l'écriture de ce Limousin, parce que ce qui dominait à l'époque, c'était l'écriture dite patoise, bon, l'écriture succursaliste du français, pas plus que les Basques ou que les Bretons, ou que les Corses ou n'importe qui. On ne peut être la succursale d'une langue dominante qui nous ignore et nous écrase. Donc, nous avons pris cette responsabilité. Et par la suite, moi, j'ai toujours continué, puisque j'ai fait 3 dictionnaires de langue après cela, ainsi que d'autres choses. Une étude en descriptif sur le dialecte limousin, une grammaire, la conjugaison occitane, qui a été éditée en 1980, par là, réédité depuis, qui comprend 10 000 formes verbales sur l'ensemble limousin, aussi bien des points d'enquête sur la Charente limousine que sur le nord de la Marche ou le nord de la Haute-Vienne. Donc ça a été les instruments de base. Ce dictionnaire français-occitan est quelque chose d'assez important et unique en son genre parce que j'y ai mis tout ce que je savais, tout ce que j'avais entendu depuis toujours. Donc on peut dire que c'est la synthèse du limousin vivant depuis 50 ans. C'est un outil, il a servi, il sert encore, il servira à des gens de dialecte limousin, même au-delà, y compris des gens de Sarlat où ils parlent languedocien, pour écrire, pour s'exprimer. Et donc pour faire une génération ou des générations d'auteurs. Voilà. Dans le centre de Magnac-Bourg, nous rencontrons une personne dont la langue occitane a profondément marqué le parcours et l'a emmenée dans des directions surprenantes. Ah donc Sébastien Péjou, je suis né à Limoges en 1988 et originaire de Meusac. Et Magnac-Bourg, parce que en tant que paysan, j'ai des terres sur les deux communes, à cheval sur les deux communes, plus sur Meusac que sur Magnac, mais voilà. Si aujourd'hui je suis journaliste et rédacteur en chef d'un groupement de radio qui rayonne sur le Limousin, qui est composé d'une douzaine de radios, qui représentent 25 fréquences sur les 4 départements, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze et Dordogne. Et si je suis journaliste, si j'ai un diplôme de journalisme avec la carte de presse, tout team, c'est grâce à l'Occitan. Parce que, justement, tout est lié avec ma troupe de théâtre et avec l'Occitan. Sur un spectacle, au tout début de notre troupe, avec des moyens très modestes, ça devait être en 2008-2009, le responsable technique de la radio RCF Limousin vient voir ce spectacle très modeste parce que sa compagne a des attaches sur la commune. Et à la fin du spectacle, il vient me voir et il me dit, écoute, je me présente, Jérôme, responsable technique de la radio RCF Limousin. On a une bénévole qui faisait une émission en occitan qui arrête. Et on est bien embêté parce que nous, on aurait bien voulu continuer à proposer une émission en occitan sur notre radio. Est-ce que ça t'intéresserait ? Moi, ça m'a un peu scié parce que de la radio, Je sais pas, en occitan, bien capable de faire ça, moi. Surtout que j'étais très jeune, enfin, quand même. 2008, j'avais 20 ans, enfin, oui, 2008, 20 ans, pile, je suis 88, donc ça. J'avais 20 ans, donc j'étais jeuneau quand même encore. Hein. Donc, j'ai pas su trop quoi dire, il m'a donné son contact, et on m'a un peu poussé la bande, mais si, mais c'est génial, va le faire, et tout. Donc j'ai repris contact et j'ai commencé une émission en occitan en 2009. J'ai commencé en 2009 à faire à avoir une émission en occitan sur la radio RCF Limousin. Il faut bien se dire que les premières émissions n'étaient pas terribles, mais petit à petit elles se sont doucement améliorées et je recevais des invités. Petit à petit je constituais très librement cette émission sur RCF que j'ai conservée pendant 9 ans. Et parallèlement à ça, donc du coup, notre troupe de théâtre, qu'on a créée en 2006 officiellement, même si on a fait des petits balbutiements avant, mais on a officiellement créé en 2006, en fait, quand on a été majeur. Et donc voilà, 2006, on a créé ça, cette petite troupe, la troupe Bas de l'Aile, qui partie de rien, hein. On n'avait pas un sou, hein. Partie de rien, on a fait des petits spectacles sur une remorque avec des draps pour rideaux, des petits accessoires qu'on bricolait, qu'on trouvait à droite et à gauche. On avait acheté avec nos propres moyens une mauvaise sono qui marchait absolument très mal, mais bon, on avait un boui-boui, on se démerdait comme on pouvait. Et puis après, petit à petit quand même, on a réussi avec le soutien de Meusac, d'association de Meusac plus exactement, qui nous donnait 4 sous pour faire un petit spectacle. Ça nous a permis d'économiser pour petit à petit acheter du matériel et monter en gamme. Et maintenant, nos spectacles qu'on propose, on a la chance d'avoir avec nous des professionnels. Donc on a une équipe de professionnels en son et lumière. Maintenant, on se déplace avec 2 ou 3 véhicules remplis de matériel. Et donc, c'est plus le même. Voilà. Mais on garde l'esprit de départ, qui est la bande de copains qui fait du théâtre pour faire rire les gens. Donc, la première partie, on écrit tous nos textes. On compose depuis toujours, hein, on écrit tous nos textes. Et la première pièce est totalement en français. Et la seconde partie, donc la seconde pièce, qui n'a rien à voir avec la première, mélange la langue limousine et le français. Depuis le début, on a voulu ça, dès le départ, et on continue à faire comme ça. Et on écrit tous nos textes. Et donc la deuxième pièce, voilà, qui garde une place très importante pour la langue limousine. Et il y a certains organisateurs qui, des fois, nous disent « Oui, mais on comprend, notre public ne va pas bien comprendre. » Si, si, parce qu'on a à chaque fois, on se débrouille pour que le personnage qui parle en langue limousine donne la réplique à un personnage français. Et c'est parfois un peu compliqué, mais on y arrive jusqu'à présent. Donc voilà, et ça rend la chose compréhensible. Et là, depuis, c'est le deuxième spectacle qui sort en DVD. Donc on a une société qui nous a fait la captation vidéo. Et on s'est payé le délire d'avoir du sous-titrage. Donc même si les gens ne comprennent pas la langue limousine, bah cette fois-ci c'est sous-titré dans le DVD. Je pense vraiment qu'on est un ovni, hein, pour dans le secteur. Hein. Par chez nous, là, sur la Haudienne, je pense que des cas comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup, ouais. Malheureusement. Mais il y a espoir que ça revienne. Et j'ai vraiment un petit peu ce sentiment-là où plus la chose devient rare et plus on s'y intéresse, quelque part. Et si on s'y réintéresse, c'est bien de temps. C'est pas trop tard, mais c'est bien de temps de s'y réintéresser. Et il est bien temps que des jeunes commencent à nouveau à s'en emparer, quoi, hein. Mais j'ai ce sentiment-là quand même qu'il y en a un petit peu. Hein. Il y en a un petit peu. Enfin, nous, dans notre troupe de théâtre, on a encore la chance, bon, quand les salles sont ouvertes, qu'il n'y a pas trop de Covid ni d'autres machins de ce genre, on a la chance, actuellement, ça peut être joué comme ça, de remplir globalement les salles. Qu'on soit en zone rurale, plus facilement, mais aussi à la ville. Quand on joue à Condat-sur-Vienne, c'est dans l'agglo de Limoges, et que 15 jours avant la représentation, le régisseur de la salle nous appelle en disant « Arrêtez la pub, arrêtez d'aller dans les médias, c'est plein, c'est complet, on en a refusé, je ne sais pas combien, arrêtez. » Eh bien, ça fait vachement plaisir. On se dit que même à la ville, parce que les gens, ils savent qu'ils viennent voir, certes, il y a une pièce en français, mais ils savent, on le met sur les affiches, hein, qu'il y a une partie en langue limousine. Ils savent qu'ils viennent voir aussi de la langue limousine, qu'ils viennent entendre aussi de la langue limousine. Ça rebute personne, au contraire, même. Je pense qu'il y en a, ils viennent pour ça. Donc, je me dis que c'est pas totalement foutu pour cette langue. Hein. Moi, je suis plutôt optimiste. Hein. C'est pas foutu pour cette langue. C'est une belle langue. Elle a survécu à des trucs bien pires. Pourquoi elle survivrait pas au XXIe siècle, enfin, quand même. Donc, non, moi, je suis plutôt optimiste pour la langue. Au début, moi, c'était une transmission vraiment orale, comme j'entendais parler le français, j'entendais parler la langue limousine. Donc ça, c'est vrai que cette transmission familiale, ça devient assez rare. Mais fort heureusement, il y a d'autres façons pour l'apprendre et quand même, il y a des options occitanes qui fonctionnent pas trop mal. Et enfin, depuis la création de l'Office public pour la langue occitane, et si on doit trouver de l'intérêt à la fusion des régions et donc à la création de cette grande région Nouvelle-Aquitaine, si on doit lui trouver un intérêt, c'est l'intérêt aussi pour la langue. Parce que depuis que, même si la région Limousin faisait à son modeste niveau autant qu'elle pouvait pour la langue, mais elle se confrontait aussi à des querelles et à des complications. Et donc la région Nouvelle-Aquitaine a beaucoup plus de poids là-dessus. Déjà, il y a la langue basque qui pousse énormément. Et comme maintenant c'est dans la grande région, ce que tu fais pour la langue basque, il faut le faire pour l'occitan. Et mine de rien, ça a sacrément fait bouger les lignes sur le Limousin, des lignes qui étaient très figées depuis des années, notamment au rectorat. Et le rectorat de Limoges était très, très, très figé, très, très statique là-dessus et faisait clairement... pas grand-chose pour, quoi qu'il en dise, le rectorat de Limoges ne faisait pas grand-chose pour l'occitan. Puis il a fallu que la présidente de l'Office public pour la langue occitane, Charline Claveau, tape du poing, appuie vraiment pour dire « Bon alors, l'Académie de Limoges, là, vous le tenez quand, votre conseil académique pour la langue occitane? Vous le mettez quand en place les choses qu'on a décidées il y a 10 ans, que c'est toujours pas fait ?» Et à force de mettre la pression sur le rectorat a quand même lancé, au mois de février 2021, une enquête à destination des enseignants dans toute l'académie qui ont des connaissances en langue limousine ou qui n'en ont pas, mais qui s'intéressent à la langue limousine et qui seraient prêts à ouvrir une option dans leur établissement. À la vache, c'est quand même pas énorme. Hein. Et donc ça, l'enquête est lancée au mois de février 2021. Et l'Office public pour la langue occitane prend à sa charge 80% de la formation des enseignants qui voudraient se former pour pouvoir derrière distribuer éventuellement, animer des options en occitan dans leurs établissements. C'est un pas énorme. Et donc c'est un biais pour la transmission, vu qu'elle peut de plus en plus difficilement se faire dans le cadre familial, c'est un autre biais d'avoir la transmission de la langue. Et je trouve ça quand même aussi très positif, même si ça va pas vite, ça je le reconnais, mais ça avance. Je félicite le rectorat de commencer à faire des choses pour cette langue en Limousin et tout ça est très positif. Donc sur la transmission, je me dis qu'elle va se faire différemment, mais elle devrait se faire. Qu'est-ce qu'on faisait à qui? Y'a très bien que nous humains t'intéressent avant pas. Visant l'état de leur crise, visant l'état de tout nobre. Et mon gré de tout, a dit à tu, mais tout, a dit à tout, nous pouvons des ou et merci. Oh merci. Cette série documentaire est réalisée par Lettres à la Loupe. Nous remercions toutes les personnes entendues dans cet épisode et celles ayant permis à ce projet de voir le jour. L'Institut d'études occitanes du Limousin nous a aimablement partagé certains éléments sonores entendus au cours de cet épisode. Ceux-ci sont consultables sur la plateforme d'archives sonores Lobiaso, accessible en ligne sur le site internet de l'Institut. Dans le troisième et dernier épisode, nous rencontrerons des locutrices et locuteurs pour écouter leur expérience et histoire avec la langue.